Bonjour, ici Valérie Levé et François Grégoire. Vous écoutez Futur Simple, édition du 23 février 2017. Bienvenue à Futur Simple, votre magazine de culture scientifique sur les ondes de CKRL au 89.1. Et aujourd'hui, nous entrons directement dans le vif du sujet avec une émission spéciale Saint-Laurent. Pour en parler, nous avons autour de la table Mélanie Jean, chroniqueuse régulière à Futur Simple et qui nous informe régulièrement des problèmes environnementaux ici et ailleurs dans le monde. Également avec nous, Jean-Éric Turcotte, qui est directeur général de Stratégie Saint-Laurent. Scott Mackay, qui est coordonnateur à l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Et Patrice Laliberté, chargée de projet chez Conservation de la Nature Canada. Donc, une belle tablée pour prendre le pouls de notre fleuve. Alors, nous parlerons de l'état du Saint-Laurent, qualité de l'eau, érosion des rives, biodiversité. Nous parlerons également des initiatives menées pour protéger le Saint-Laurent, le tout dans une perspective de développement durable. Et comme le problème implique la participation de beaucoup d'acteurs, de citoyens, des agriculteurs, les industriels, les politiciens, au Québec, mais aussi jusqu'au Grand Lac, et aux États-Unis, eh bien, nous parlerons aussi de gouvernance. Donc, une heure bien remplie à l'écoute de Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1. Vous écoutez donc Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1. Et pour ouvrir cette émission spéciale sur le Saint-Laurent, je vais demander à nos invités de nous faire une petite présentation géographique rapide du Saint-Laurent. Parce qu'on parle du Saint-Laurent, le fleuve, mais il y a aussi l'estuaire, le golfe. Alors, je vais demander en premier lieu donc à Jean-Éric Turcotte, qui est donc le directeur général de Stratégie Saint-Laurent. Bonjour à tous, d'ailleurs, j'ai oublié de vous saluer. Bonjour Scott Mackay. On va faire un petit tour de table pour que les auditeurs puissent reconnaître les voix. Donc, bonjour. On va commencer avec Scott Mackay. Oui, bonjour, bonsoir tout le monde. Bonjour Jean-Éric Turcotte. Bonsoir. Bonjour Mélanie, que évidemment nos auditeurs connaissent. Oui, bonjour. Et bonjour Patrice Laliberté. Bonjour. Alors voilà, vous avez bien enregistré les voix de chacun. On fera des présentations au fur et à mesure. Donc commençons avec Jean-Éric Turcotte. Le Saint-Laurent, finalement, on parle, de, comme je le disais, du fleuve, de l'estuaire, du golfe. Il y a de l'eau salée là-dedans qui se mélange avec de l'eau douce. Est-ce que vous pouvez nous démêler un peu tout ça brièvement? Oui, bien évidemment, je vais parler plutôt de la portion québécoise du fleuve, parce qu'évidemment, on pourrait monter en amont, se rendre jusque dans le territoire des Grands Lacs, qui est la source, finalement, d'approvisionnement en eau là, du Saint-Laurent, la principale source. Donc, la portion entre Cornouailles, je dirais, et Trois-Rivières, essentiellement, constitue ce qu'on appelle la zone fluviale du Saint-Laurent. Essentiellement, c'est une zone d'eau douce. Ensuite, on passe du tronçon fluvial à l'estuaire fluvial, qui, grosso modo, se situe à peu près jusqu'à Québec, au-delà, à la pointe, dans le fond, est de l'île d'Orléans. Et là, on parle d'eau encore douce, mais qui est soumise à des phénomènes quand même de type marin, c'est-à-dire particulièrement les marées. Mm-hmm. Est-ce que la salinité remonte jusque-là? On a à ce moment-là encore une eau douce, mais on commence à avoir des phénomènes à la pointe de l'île d'Orléans qui sont associés à de la salinité également, plus des phénomènes de marée, et on entre dans le ce qu'on appelle l'estuaire moyen, et là c'est la différence est effectivement une question de salinité essentiellement pour passer finalement à l'estuaire marin qui lui est du domaine vraiment maritime. Et là, à ce moment-là, ce phénomène de marée, élargissement du fleuve de façon assez sentie, non plus saumâtre, comme dans l'estuaire moyen, mais bien eau salée, strictement. Mm-hmm. Et ensuite, l'ouverture, l'échancrement là, du fleuve à partir donc d'Anticosti, et là, vers les provinces maritimes. On est vraiment dans un milieu très maritime, une mer ouverte. Comme une mer intérieure. Une mer intérieure, voilà, exactement. C'est le golfe du Saint-Laurent. D'accord. Donc, on est maintenant mieux situé, puis on va s'intéresser plus particulièrement à l'estuaire d'eau douce. Et là, je vais demander à Patrice Laliberté. Donc, je rappelle, Patrice Laliberté est chargée de projet chez Conservation de la Nature Canada. C'est comme ça qu'on dit, Conservation de la Nature Canada, d'accord, de nous présenter donc cet estuaire avec ses particularités, les habitats riverains, qu'est-ce qu'on retrouve dans cet estuaire? Oui, donc l'estuaire d'eau douce, c'est un terme où ce qui est également employé là, pour la partie du fleuve qui comprend l'eau douce et qui subit aussi l'effet des marées. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez particulier. On est plus habitué de voir les marées là, sur le bord de la mer avec de l'eau salée. Cette situation-là fait en sorte que l'eau douce va refouler dans le fleuve et ça va créer des zones en fait sur les rives là, on va avoir des zones intertidales. Donc ça c'est la portion de la rive là qui subit l'effet des marées, la marée haute, la ligne des hautes eaux, et à marée basse là on est assez loin dans le fleuve. C'est ça. Donc il est parfois sous l'eau et parfois à l'air libre. Ouais, c'est ça. Donc ça crée deux écosystèmes, une combinaison finalement pour créer cet écosystème là. Puis c'est super c'est vraiment quelque chose qui est favorable pour la faune et la flore. Donc, on va retrouver une grande biodiversité qui est associée à ça. Donc, au niveau de la faune, plusieurs espèces d'oiseaux qui vont utiliser le milieu. On peut donner un exemple comme les oies blanches qui vont s'arrêter dans leur migration pour se nourrir du cirp qui pousse dans cette zone-là, la zone intertidale. Et aussi, on va avoir des oiseaux de rivage là, qui vont aller se promener là, sur ces grandes, sur ces battures-là qui sont dégagées pour se nourrir là, d'insectes et toutes sortes de nourriture. Au niveau de la flore, on retrouve une flore vraiment particulière qui est endémique à cette région-là du fleuve. Elle est endémique. Ça veut dire que c'est le seul endroit dans le monde qu'on les trouve. Ah oui? Ouais. Donc, on a quelques espèces comme la gentiane de Victorin, la cicutaire de Victorin, les rio-colons de Parker. Donc, c'est vraiment unique. Qu'on trouve spécifiquement dans le fleuve du Saint-Laurent, dans cette zone-là. Puis, ils sont vraiment en lien avec l'effet des marées. Donc, on les retrouve à la limite des hautes eaux et dans le littoral là, qui est dégagé. Là. Donc, c'est ces particularités-là. Puis, l'autre chose aussi, c'est on s'intéresse aux rives, les rives du fleuve, dans cette portion-là du fleuve. Les rives, c'est un peu comme une ceinture de sécurité là, pour nos cours d'eau. Puis, elles nous aider à absorber des fois les changements, les variations. Donc, ça sert de tampon un petit peu. Exactement. Puis, une chose qui est particulière, c'est qu'on a des sites là, qui vont être submergés par marée haute. Donc, c'est des écosystèmes encore associés au fleuve qui sont particuliers. On peut penser au marais de l'île aux grues qui va être inondé quelques fois par année là, complètement, ou des écosystèmes comme le marécage de Grondines, qui est un milieu forestier, qui est inondé là, sur des centaines de mètres à l'intérieur dans les terres là, par ces marées-là. Est-ce qu'éventuellement, ces zones qui sont inondées, ça sert aussi de frayère aux poissons? Tout à fait. Là, il y a une grande biodiversité là-dedans. Les poissons en font partie. Ils vont remonter ils vont remonter avec les marées, puis ils vont aller dans les espèces de trous d'eau qui vont être laissés là quand l'eau se retire. Là. Donc, on voit la richesse de ce fleuve, du Saint-Laurent, mais on entend aussi dire des fois que, bon, il y a des problèmes de pollution, il y a une érosion de la biodiversité. Puis là, je vais donner la parole à Mélanie. Mélanie, tu es tombée sur un classement donc d'un organisme nord-américain qui classe finalement le Saint-Laurent parmi les 10 rivières en péril en Amérique du Nord. Oui, c'est un groupe américain, Save Our River, qui milite en fait pour des rivières plus saines en Amérique du Nord. Eh bien, ils ont inscrit le fleuve Saint-Laurent sur la liste des 10 rivières en péril. Et selon ce groupe, le contrôle du niveau de l'eau aurait eu un impact dévastateur sur plusieurs espèces marines, mais aussi sur l'écosystème du Saint-Laurent. Donc, l'habitat naturel a été quand même grandement changé. Et en mettant le Saint-Laurent sur une liste de cours d'eau en péril, ben, on a plus de chances que des actions concrètes soient prises pour changer la situation. Donc, selon le... Comme un signal d'alarme, finalement. Oui, exactement. Donc, selon le groupe Save Our River, la gestion du niveau des eaux, comme je l'ai dit, a eu un impact assez significatif. Les habitats marécageux sont en diminution le long du fleuve Saint-Laurent. Ça a eu un impact direct sur les espèces de poissons et d'oiseaux, sur l'écosystème en général. Mm-hmm. Donc, suite à ce problème écologique, le groupe Save Our River, qui est situé dans l'État de New York, en passant, a mentionné que la commission mixte internationale a déjà rédigé un rapport avec des solutions à ce problème. Le plan de 2014 suggère, entre autres, de changer le contrôle du niveau des eaux dans le fleuve pour permettre aux espèces de se régénérer. Donc, le groupe met aussi de l'avant ce fait. Mm-hmm. Et selon ce groupe-là, les gouvernements des deux pays n'auraient qu'à approuver le rapport pour résoudre le problème. Ça doit cependant pas si être facile que ça, j'imagine. Je crois pas, non. Peut-être que Scott McKay pourra nous en parler tout à l'heure. Et donc, en fait, est-ce que tu peux nous dresser un petit peu un portrait bon, de l'occupation du territoire par les humains depuis que mm-hmm. toutes les rives sont colonisées, puis l'impact que ça a eu, peut-être l'agriculture, l'industrie, les conséquences sur la qualité de l'eau? Depuis la colonisation de la Nouvelle-France, en fait, mm-hmm. on s'est établi le long du fleuve Saint-Laurent immédiatement. Mais c'est surtout depuis la fin du 19e siècle que la population du Québec a énormément augmenté. On est passé de 1 million à 7 millions. Donc, environ 60 % de la population aujourd'hui vit sur les rives du Saint-Laurent, entre Cornwall et Québec. Il y a 3 millions de Québécois qui boivent l'eau du Saint-Laurent. Et au cours des 20 dernières années, la construction de plus de 600 stations d'épuration aurait permis de diminuer les rejets des municipalités de façon quand même assez importante, mais il y a toujours des problèmes qui persistent à certains endroits en raison des rejets, soit de l'exploitation agricole ou de la contamination qui proviendrait d'eau usée qui n'aurait pas été traitée. Donc, de façon générale, la pollution d'origine agricole va affecter plus fortement les tributaires que le fleuve Saint-Laurent lui-même. Et pour toutes les formes de pollution, qu'on parle de contamination bactériologique, de matière en suspension ou de pesticides, évidemment, ça va finir dans le fleuve aussi. Mm-hmm, mm-hmm. Et il y a 3 raffineries de pétrole qui sont actuellement en exploitation au Québec et qui rejettent leurs effluents dans le fleuve. Mm-hmm. Donc, c'est un milieu très urbanisé mm-hmm. et très, très utilisé. On parle aussi de contaminants d'intérêt émergent, donc de nature pharmaceutique un petit peu, qui se retrouvent aussi dans le Saint-Laurent. Oui, tu as tout à fait raison. Tu soulèves un point vraiment important parce qu'il n'y a pas seulement de la pollution d'origine agricole ou industrielle. Il y a aussi, malgré qu'on fait du traitement par des stations d'épuration, plusieurs produits pharmaceutiques et même des traces de médicaments qui sont présents dans l'eau du Saint-Laurent. Et parmi le cocktail plutôt toxique, il y a 17 produits pharmaceutiques qu'on a identifiés depuis 2006 qu'on retrouve parmi ceux-ci des analgésiques, la pilule anticonceptionnelle, des antibiotiques, des antiépileptiques, des antidépresseurs et même des médicaments pour traiter l'hypertension et le cholestérol. Mm-hmm. Malheureusement, le rejet des médicaments périmés dans les toilettes et l'élimination par le corps des médicaments consommés, c'est la cause directe. Ce qui veut dire, c'est que nous, quand on prend des médicaments, c'est pas complètement absorbé par le corps, donc mm-hmm. ça finit dans l'eau. Dans l'eau, oui. Dans la station des traitements d'épuration, la station de traitement des eaux usées, mm-hmm. qui peut-être ne remplit pas tout à fait son rôle parce que ces molécules-là, on n'y prêtait pas attention jusqu'à présent. Oui, et selon l'Action pour la protection de la santé des femmes, notre corps rejette entre 50 et 90 % des ingrédients actifs des médicaments. Mm-hmm. Donc, chaque année, c'est une tonne de molécules actives qui sont rejetés dans le fleuve Saint-Laurent. Mmh. J'imagine que tout ça, ça a une conséquence, si on parle de qualité de l'eau, ça a une conséquence sur la qualité des écosystèmes et donc sur la biodiversité. Bien, heureusement, il semblerait que leur concentration soit quand même trop faible pour causer des effets de toxicité aiguë sur les organismes aquatiques. Jusqu'à maintenant, c'est l'information qu'on a. Par contre, il y a des effets potentiels à plus long terme qui pourraient peut-être se manifester. Il y a des chercheurs qui ont démontré en 2006 que l'ibuprofène peut produire des effets toxiques à des concentrations 10 fois inférieures ou moins aux valeurs qu'on a mesurées mm-hmm. dans les effluents municipaux. Donc, si on retrouve des molécules de médicaments dans des cours d'eau, il est assez légitime de se demander si ces molécules-là se retrouvent aussi dans l'eau qu'on boit. Bien, la réponse, c'est oui, mais en faible dose. Il faudrait donc aussi se pencher sur le problème de surconsommation de médicaments, mais surtout faire un effort peut-être supplémentaire dans le traitement des eaux usées pour s'assurer qu'on va enlever vraiment le maximum de mm-hmm. résidus de médicaments. Mm-hmm. Oui, parce que il me semble avoir lu que ça avait quand même des impacts sur la sexualité des grenouilles, des poissons. J'ai entendu la même chose, oui. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, et en parlant donc de la qualité des écosystèmes, de biodiversité, elle en est où, la biodiversité du Saint-Laurent? Est-ce qu'on a observé une érosion de cette biodiversité? Bien, on pourrait peut-être se croire à l'abri parce qu'on n'en entend pas parler tous les jours, mais le réchauffement climatique et l'utilisation massive de, du Saint-Laurent pour toutes sortes de raisons menace quand même la faune un peu du Saint-Laurent. Depuis 1930, l'eau dans le Saint-Laurent a quand même augmenté de 2 degrés Celsius. Et des 27 000 espèces animales et végétales qui vivent dans le Saint-Laurent, ben, y en a plusieurs qui sont en danger, principalement des oiseaux marins, des mammifères marins. Depuis quelques années, la colonie de fous de bassin, pour vous donner un exemple, là, à l'île Bonaventure en Gaspésie, c'est une énorme colonie, elle souffre d'un, je pourrais dire, mystérieux déclin parce qu'il y a plusieurs causes et on n'est pas certain à 100%. Je me souviens que tu en avais parlé une chronique précédente, Donc, avec ses 50 000 coupes, pardon, la colonie de l'île Bonaventure, c'est la plus importante au Canada. Je crois que c'est la deuxième plus importante au monde. Et à l'été 2012, le succès de reproduction était de moins de 8%, alors que le taux habituel, c'est 50%, voire même 70%. Donc, c'est vraiment très bas. Et entre 2009 et 2011, la colonie avait déjà perdu 12 300 coupes. Donc, c'est vraiment énorme. Et il est difficile de pointer du doigt, comme je disais, là, un seul problème, la cause exacte, parce que c'est plusieurs causes probablement. Mais on pointe du doigt déjà un peu la température, la hausse de la température de l'eau qui porterait certains bancs de poissons dont le fous bassin se nourrit à changer de profondeur. Donc, elle devient hors d'atteinte pour le fous bassin. Et d'ailleurs, il y a aussi le macareux moine qui serait aussi menacé par le réchauffement climatique, le réchauffement de l'eau aussi. Et plus récemment, on en entend parler aussi à chaque année, hein, ben le béluga de Saint-Laurent, l'an dernier, ben lui a été officiellement considéré comme une espèce en voie de disparition. Donc, c'est un portrait partiel, parce que j'imagine qu'on pourrait faire l'émission complète. Je vois Jean-Éric Turcotte qui hoche de la tête. On pourrait faire l'émission complète sur le portrait du Saint-Laurent. Et j'aimerais justement, Jean-Éric, vous donner la parole, parce que, bon, Mélanie a mentionné les changements climatiques, qui portent atteinte à la biodiversité, mais aussi à l'érosion côtière. Oui, en fait, étonnamment, le changement climatique joue un rôle important en termes hydriques sur le fleuve et on constate des tendances, ça reste des tendances, mais assez importantes au niveau du fleuve, soit en amont, donc dans la zone, on a décliné un petit peu les territoires tantôt, mais dans la zone estuarienne, plutôt fluviale, et en amont, on constate souvent une baisse généralisée des niveaux d'eau. Oui. Par contre, en aval, donc à partir de l'estuaire marin et du golfe, c'est plutôt une tendance inverse qu'on constate. Une augmentation des niveaux moyens marins et qui sont en plus doublés d'une autre tendance, c'est-à-dire du réchauffement, qui fait en sorte que actuellement la présence des glaces est de moins en moins importante sur les rives. La présence des glaces est assez importante, particulièrement en décembre, où on constate une recrudescence des tempêtes hivernales qui sont extrêmement violentes. Et en l'absence de pieds de glace le long des falaises, le long des rives, des talus, on soumet à ce moment-là la rive à des reculs importants dus à l'érosion côtière. C'est-à-dire que les grosses vagues frappent directement la rive au lieu de venir s'échouer sur les glaces. Effectivement. Donc les glaces pouvaient absorber cette énergie-là, ce que le talus n'est pas en mesure de faire. Donc, on a des pertes généralisées et c'est une tendance assez lourde qu'on constate depuis quelques années. Quelques chiffres comme ça, tirés des études de Pascal Bernatchez, professeur de l'UQAR, des chiffres qui ont été portés à ma connaissance hier, dans un colloque, donc assez récent. La tendance sur l'évolution pour les 50 prochaines années, on parle, selon les secteurs donnés, de 0,6 à 1,8 mètres d'élévation au niveau moyen de la mer à l'échelle du Saint-Laurent, du Golfe et de l'estuaire. Donc, vous avez dit combien? Mettez les chiffres. De 0,6 à 1,8 sur 50 années. Ouais. Donc, c'est assez important en termes de hauteur, mais évidemment, ça a des impacts encore davantage. Et au niveau du couvert de glace, on parle de moins de 40 à moins 50 jours de couvert de glace annuellement d'ici 50 ans. Donc, la tendance qu'on constate actuellement va aller qu'en accélérant. Quelques résultats évaluer. On fait évidemment beaucoup d'études actuellement sur le niveau de vulnérabilité des bâtiments, des infrastructures, mais évidemment des écosystèmes également qui sont soumis à ces régimes-là. Mais si on ramène ça qu'à l'échelle humaine, je vous donne quelques exemples. 5400 bâtiments qui pourraient être directement touchés d'ici une cinquantaine d'années, d'ici 2065. C'est assez considérable. Oui. On parle de pratiquement de rues de villages entières qui pourraient être amenées à disparaître. 294 kilomètres de routes qui sont vulnérables à l'érosion, qui vont l'être, en tout cas, à tout le moins, il y en a déjà, mais 294 à terme, dans 50 ans, qui vont être soumis constamment à des régimes d'érosion, donc qu'on devra envisager soit de déplacer ou de consolider, mais année mais après année, avec réitéré, des coûts énormes. Là, c'est ça, 26 fois. Kilomètres de chemin de fer et, évidemment, toute une série d'autres infrastructures, notamment les infrastructures à quai ou portuaires. C'est ça, oui. On parle de coût minimum, ne serait-ce que si on ne fait rien actuellement, si on ne met pas en place de solides stratégies d'adaptation. Au bas mot, on parle de 1,5 milliard de dollars d'investissement qu'on devra faire de façon régulière pour contrer ces effets-là directement sur les infrastructures humaines. Mais c'est peut-être ça, en partie, parce qu'on n'a pas pris en considération. Il y a évidemment les changements climatiques qui sont en partie d'origine anthropique, mais évidemment, il y a des cycles naturels également qu'on doit considérer. Et il est possible de croire qu'on n'a peut-être pas, au moment où on a planifié le développement territorial, assez pris en compte un espace de liberté pour les structures aussi dynamiques que le fleuve ou même les rivières. Donc, on a bâti vraiment en rive, dans des espaces d'inondation, dans des espaces... On a oublié que c'était quelque chose de dynamique. De dynamique qui bouge constamment. Le fixer, le figer, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Ouais. Et donc, actuellement, je pense que la plupart des élus, la plupart des planificateurs et des gestionnaires du territoire prennent en considération de façon très sérieuse ces études-là sur les changements climatiques. Et on parle non plus maintenant de réduction, mais on parle d'adaptation de plus en plus au changement climatique, et c'est significatif. D'accord. Donc, je vais me tourner maintenant vers Patrice Laliberté, parce que finalement, donc, on voit que les changements climatiques fragilisent le fleuve, mais les écosystèmes, tout ça, c'est interrelié. Finalement, les écosystèmes peuvent aider le fleuve à être résilient face aux changements climatiques. Pourrait servir de tampon, de même que la glace peut amortir les vagues, mais un écosystème en bonne santé, un écosystème riverain en bonne santé peut aussi aider le fleuve à être résilient face au changement climatique. Oui, effectivement, c'est un peu dans la même lignée que ce que Jean-Éric disait. Donc, les milieux naturels riverains jouent un rôle important. Ça peut stabiliser les berges là, en maintenant fixant le sol avec les arbres, avec les racines. Ça joue aussi un rôle de protection des écosystèmes qui sont adjacents à ces rives-là. Donc, vraiment, dans le fleuve, là, les marécages, on a remarqué que la qualité des milieux naturels était meilleure lorsqu'il y avait des bandes riveraines intègres. Donc, ça, c'est une autre chose. Mais aussi, comme on vient de mentionner, là, c'est important de laisser de l'espace pour que les cours d'eau puissent sortir de leur lit. Et si c'est naturel, mais ça cause moins de dommages là, aux infrastructures humaines, bien sûr, mais aussi, ça va sortir, puis ensuite, ça va revenir dans son lit, puis bon, la vie continue après. Donc, comme je disais tantôt, c'est un peu comme une ceinture de sécurité pour le cours d'eau. On évoque souvent que les changements climatiques qui vont rendre les événements climatiques plus intenses, plus fréquents, des plus abondantes, des fontes de neige rapides, les grands vents, les grandes marées qui vont être associées à ça. Donc, en préservant les rives naturelles, on prévoit un peu les débordements. On laisse un espace suffisant pour que la nature puisse s'exprimer, puis dans les épisodes plus intenses, plus extrêmes. Donc, c'est une manière, quand on développe notre territoire en laissant ces espaces-là naturels, c'est un peu une manière de s'adapter ou de prévoir les changements climatiques, puis de mieux vivre dans le milieu. Donc, on voit que c'est le Saint-Laurent, c'est quand même un système particulièrement complexe. Et on peut se demander comment on peut concilier le tout, parce qu'on, nous, humains, on va pas disparaître des rives du Saint-Laurent. Donc, on va continuer de faire de l'agriculture, on va continuer les activités industrielles. Et il faut aussi préserver tous ces écosystèmes. Donc, je vais demander à Scott Mackay, qui est, je le rappelle, coordonnateur de l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, et qui a aussi publié un livre en 2013 qui s'appelle « Pour un Québec vert et bleu, le virage vers l'économie et la gouvernance ». Donc, comment on fait pour concilier le développement harmonieux de l'ensemble des activités autour du Saint-Laurent? Est-ce qu'on peut évoluer vers concilier tout ça vers un développement durable du Saint-Laurent? Ben, écoutez, moi, je suis persuadé que oui. Je suis persuadé aussi qu'on peut en tirer... on a des opportunités devant nous. Oui, on a mentionné beaucoup de problèmes. Ce sont des... Je pense qu'il faut les voir comme des défis qu'on peut relever. Par exemple, lorsque Patrice parlait des milieux naturels pour protéger les berges, notamment faire en sorte qu'on soit plus résilient par rapport aux impacts des changements climatiques. On peut mettre en œuvre, des milieux naturels, mais où on peut les voir comme des infrastructures vertes, mm-hmm. où l'intervention humaine peut... J'imagine que Patrice va être d'accord avec moi. C'est, lorsqu'on parle de milieux naturels, c'est pas nécessairement des milieux intacts, là, parce que de toute façon, les rives du fleuve Saint-Laurent sont déjà passablement dégradées. Ce sont des interventions humaines où là, on peut aider la nature à reprendre ses droits et réaliser des aménagements qui font en sorte que on va, d'une part, avoir des co-usages, par exemple, on va pouvoir se réapproprier les berges pour des usages pour les citoyens. Mm-hmm. On peut, en faisant ça, redonner davantage de valeur, de qualité de vie aux citoyens et, en même temps, protéger le fleuve et, en même temps, créer des espaces pour le développement récréotouristique. Mm-hmm. Alors, il y a moyen de concilier différents usages et lorsqu'on veut l'aménager de façon intelligente, peut-être que les défis des changements climatiques peuvent nous présenter des opportunités pour, en partant, nous conscientiser à l'état mm-hmm. du fleuve et nous amener à reprendre le pouvoir, reprendre notre pouvoir comme citoyen et à travers nos villes, nos villages sur notre milieu. Mm-hmm. C'est intéressant parce que vous dites reprendre le pouvoir des citoyens, que les citoyens reprennent le pouvoir sur retrouvent un accès au fleuve, en tout cas, ou toute l'infrastructure verte qui est autour, mais en même temps redonner le pouvoir à la nature de jouer ce rôle de tampon face au changement climatique, face au ressac des vagues, etc. Donc c'est à la fois les humains qui vont retrouver leur pouvoir, mais la nature qui va retrouver son pouvoir en même temps. Oui, en effet, on sous-estime grandement les services que la nature, les services gratuits que la nature mm-hmm. nous fournit. Elle nous fournit des stations d'épuration naturelles. Ça nous fournit des tampons pour nous protéger à mm-hmm. la fois contre les inondations et contre les sécheresses. La biodiversité nous apporte toutes sortes de bienfaits. On peut penser naturellement à l'impact positif de la nature sur notre humeur puis oui. sur notre bien-être mental, mais il y a aussi plusieurs bénéfices au niveau économique qu'on mesure malheureusement pas souvent mm-hmm. et donc auquel on donne pas la valeur qu'elle mérite. Mm-hmm. Bien. Donc, on va faire pour le moment les 18h déjà, la discussion passe vite. Donc, on va faire une petite pause publicitaire sur CKRL au 89.1. Mais restez avec nous car nous continuons la discussion au retour en se penchant sur les problèmes de gouvernance. Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et pour ceux qui se joignent à nous, nous sommes en pleine émission spéciale sur le Saint-Laurent et pour en discuter, je rappelle qui sont nos invités, donc Mélanie Jean, chroniqueuse régulière à Futur Simple, Jean-Éric Turcotte qui est directeur général de Stratégie Saint-Laurent, Scott Mackay, coordonnateur à l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent et Patrice Laliberté, chargée de projet chez Conservation de la Nature Canada. Alors dans la première partie de l'émission, on a dressé un portrait du Saint-Laurent en évoquant les activités humaines et les signaux de dégradation. Et nous avons fini cette première partie sur la nécessité de concilier les activités humaines et de conservation des milieux naturels. Mais en fait, on fait comment pour mettre en place des projets de conservation, pour asseoir tout le monde autour de la même table, pour se concerter sur un objectif commun de développement durable? Donc je vais commencer avec Patrice Laliberté. Patrice, Conservation de la Nature Canada met en place des initiatives pour protéger par endroits les milieux riverains. Oui, effectivement. Donc, si on regarde, premièrement, Conservation de la Nature s'intéresse beaucoup au fleuve, surtout sa longueur. Là. Mm-hmm. Disons que dans la partie là, de l'estuaire d'eau douce, entre Saint-Anne-de-la-Pérade et Saint-Jean-de-Port-Joli, Baie-Saint-Paul, là, on est présentement actif à 6 endroits. On protège 200 hectares de terrain qui s'étendent sur plusieurs kilomètres de rive. Donc, des sites qu'on peut nommer, c'est la pointe de Saint-Vallier, qui est accessible mm-hmm. au public, et la réserve naturelle Jean-Paul Riappel à l'île aux Grues, qui est également accessible. Des sites magnifiques à visiter. Il faut aussi souligner là qu'il y a d'autres organismes similaires aux nôtres qui s'impliquent à la conservation du fleuve, mm-hmm. qui font des projets de conservation. On peut penser à la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel, la FQPPN, les marais de la Société provençale d'histoire naturelle à Deschambault-Grondines. Puis Canard Illimité aussi ont plusieurs sites là, qu'ils protègent. Et ça s'ajoute aussi, tous ces sites-là, aux des endroits qui sont protégés par des lois. Donc, les habitats fauniques et floristiques désignés, ainsi que des refuges d'oiseaux migrateurs. Là, on parle de plusieurs centaines d'hectares également. Et tout ça forme un grand réseau d'aires protégées. Mm-hmm. Donc, ça permet aux espèces là, de se déplacer d'un site à un autre. OK. Elles ne sont pas prisonnières d'un endroit. Elles peuvent aller au site suivant. Oui, ça fait des refuges. Là, donc, ouais. Une espèce où il y en a plusieurs tout le long du fleuve. Ça fait un peu comme un mm-hmm. corridor. Puis on aimerait ça qu'il y en ait plus. Mm-hmm. Et comme je disais aussi, c'est important de donner accès à nos citoyens là, oui, à la nature. Pour se rendre compte de cette richesse. Exactement, oui. Puis de les sensibiliser. Donc, c'est mm-hmm. ce qu'on fait. Puis comme je le disais, plusieurs sites sont accessibles. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'il y a toujours des projets pour acquérir des nouvelles terres, des nouvelles sections? Comment que ça marche, en fait, le processus? Oui, donc nous, on développe des plans de conservation pour des aires naturelles. L'estuaire mm-hmm. d'eau douce en est une. On en a environ une quinzaine au Québec, dans différentes régions. Et dans ces plans-là, on fait une analyse, puis on va développer identifier des priorités, des sites prioritaires qu'on D'accord. va travailler. Donc, parfois, ces sites-là, ils vont nous être soulignés par des communautés ou d'autres organismes, puis on va travailler avec eux autres à protéger ces milieux-là. Mm-hmm. Donc, ça se fait de façon concertée. Puis, on va faire des projets de conservation purs, des projets de conservation où ce que les gens ont accès. Des fois, okay. c'est... différents degrés. Oui, exactement. Mm-hmm. Puis, on a même des sites là, où ce qu'on fait de la restauration de milieux naturels. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment varié. Puis, la collaboration avec les communautés est vraiment importante. Mm-hmm. Bien. Je vais me tourner maintenant vers Jean-Éric parce que j'imagine que Stratégie Saint-Laurent a aussi des objectifs de conservation. Et bon, des stratégies, ça évoque quand même une certaine concertation aussi. Donc, quelle est l'émission de Stratégie Saint-Laurent et comment, en fait, Stratégie Saint-Laurent procède pour mettre en place une gestion intégrée du Saint-Laurent sur toute sa longueur? Comment ça marche? Bien, en fait, Stratégie Saint-Laurent a été reconnue en 1993, a pris naissance autour des années 90, mais a été reconnue en 93 dans le cadre du plan d'action Saint-Laurent, qui est une entente bilatérale entre le gouvernement du Québec et du Canada, et qui visait déjà à mettre en place une série de mesures harmonisées entre le Québec et le Canada pour diminuer l'impact sur le fleuve, notamment mm-hmm. des grands pollueurs. La première version du plan Saint-Laurent, c'était après un constat que les rejets se faisaient pratiquement au fleuve directement. Ouais. Mmh. Et là, il y a eu des mesures qui ont été établies auprès de la grande industrie et auprès également des municipalités pour corriger la situation. Il y a eu des efforts assez considérables dans les années 90 à cet effet-là. Et à l'époque, Stratégie Saint-Laurent a voulu offrir une réponse au gouvernement, une réponse positive à l'action gouvernementale en disant oui, mais il va falloir également travailler avec les communautés riveraines du Saint-Laurent parce que on peut pas désincarner le fait que entre la santé du fleuve et les gens qui y vivent, faut forcément qu'il y ait un lien. Les gens ont une action qui peut être portante sur le fleuve. Ils peuvent changer leur comportement, améliorer leurs habitudes. Et c'est là qu'est né le principe de Stratégie Saint-Laurent et a pris naissance avec Stratégie Saint-Laurent un réseau de 14 organismes d'intervention prioritaire sur le Saint-Laurent. On les appelle les comités de zone d'intervention prioritaire, les comités ZIP, qui sont maintenant au nombre de 12 et qui se sont situés sur un tronçon du fleuve de Cornwall jusqu'aux îles de la Madeleine. Donc, évidemment, en zone québécoise du Saint-Laurent. Et donc, la mission de chacun de ces comités-là est de générer des actions concrètes et concertées sur le fleuve. On parle depuis 25 ans de 1000 actions concrètes et concertées, 1000 projets différenciés qui vont de la sensibilisation du public, la mise en place d'infrastructures d'accueil, d'accès au fleuve, jusqu'à la réhabilitation de sites, réhabilitation de frayères, mise en valeur de marais, etc., etc. Un nombre assez important d'actions, mais toujours dans une perspective de gestion intégrée, c'est-à-dire en mobilisant les gens autour de projets et en établissant une priorisation concertée de ces projets-là. Évidemment, ce qui a pu aider ensuite à l'échelle du Saint-Laurent, cette conscientisation-là qui s'était établie via le plan d'action Saint-Laurent, c'est par l'entremise de la commission Beauchamp, la commission sur l'eau, en 1999-2000, qui a été historiquement un geste assez important qui a été posé, qui a généré, quelques années plus tard, en 2002, la politique nationale de l'eau. Et c'est à l'intérieur de la politique qu'ont été enchâssés des principes comme la gestion intégrée du Saint-Laurent, où tous et chacun devaient avoir une vision concertée, unie, vers l'amélioration du Saint-Laurent. Mais là, comme vous dites, tous et chacun, c'est aussi donc en concertation avec Nature, Conservation de la Nature Canada, avec bon, les autres organismes que Patrice a cités, également avec les municipalités, avec les industries. C'est, tous et chacun, c'est tout ce monde-là? Oui, effectivement. Quand on parle de gestion intégrée, c'est une intégration qui se fait sur une base géographique, c'est-à-dire que de l'aval vers l'amont, on a une vision commune, et donc ce qu'on produit en aval n'a pas une incidence sur l'amont, donc une intégration géographique, une intégration également sectorielle, c'est-à-dire que les gens du milieu industriel ont à s'amender, à améliorer leurs pratiques de façon à minimiser leurs impacts. On sait qu'ils vont continuer d'avoir des impacts. L'activité anthropique, forcément, généralement, en tout cas, amène des impacts, mais donc, et chacun des secteurs qui vit autour du Saint-Laurent et qui vit du Saint-Laurent, je devrais dire, parce que c'est plusieurs milliards de dollars de retombées chaque année, le Saint-Laurent, en termes d'activité économique. Ben, si on veut continuer d'en vivre, si on veut continuer d'y prospérer et d'avoir une biodiversité qui soutient tout ce système-là, ben, on se doit de se parler, de s'asseoir ensemble. Donc, Stratégie Saint-Laurent va jouer un rôle de coordination de ces 12 comités ZIP ou de soutien à ces 12 comités ZIP, une coordination du réseau, mais va être également un agent liant entre les différentes instances qui interviennent autour du Saint-Laurent. Et avec des partenaires comme notamment l'Alliance des maires des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, on est capable de peaufiner des visions communes et de se donner une vision vers l'amélioration. On a donc des partenaires du milieu communautaire, institutionnel, on travaille avec un réseau d'universitaires, Québec Océan, le Grill, Lucar, etc. Donc, il faut vraiment développer des visions communes et se donner un mandat commun de réhabilitation du Saint-Laurent. Et je dirais, moi, je suis un gars patient, mais depuis 25 ans, je constate quand même une amélioration sensible du Saint-Laurent. Il y a beaucoup d'enjeux émergents, on en a évoqué certains tout à l'heure, mais de façon globale, on voit des choses intéressantes, comme le retour de la baignade dans certains sites. C'est donc vrai. Ce sont des indices quand même assez probants. Mais là, vous mentionnez comme bon partenaire de réflexion, là, les Lucar ou le Grill, qui sont des organismes universitaires. J'imagine qu'eux, oui, sont d'accord pour améliorer la situation, mais je me demande comment le milieu agricole ou le milieu industriel reçoit cette idée de concertation. Est-ce qu'eux, ils sont là? Parce que finalement, on parle de Mélanie, on a parlé, on parle quand même de rejet agricole, de rejet industriel. Donc, comment eux s'intègrent dans ce plan d'ensemble? Bon, c'est sûr qu'on voit, ça prend dans certains cas des changements culturels, hein, donc assez importants. Même au niveau de nos gestionnaires gouvernementaux, ça prend aussi une vision, une volonté. Ça, on s'entend absolument là-dessus. Mais je peux donner un ou deux exemples. On a vu via le programme Prime Vert pour les agriculteurs qu'il y a eu un effort assez consenti, qui n'est pas tout à fait, au moment où on se parle, satisfaisant, mais de rétablir des bandes riveraines le long des terres agricoles. Mm-hmm. Donc ça, c'est assurément un geste qui a un impact sur les tributaires et forcément sur le Saint-Laurent. Mais évidemment, là, il faudrait l'amener à une échelle d'intervention beaucoup plus grande. Il faudrait aussi retirer l'agriculture de la plaine inondable. En fait, l'agriculture intensive de soya ou de maïs qui amène beaucoup d'amendements, beaucoup de pesticides beaucoup, à l'intérieur de cette zone-là et ramener peut-être des cultures viagères plus traditionnelles à l'intérieur de ces milieux-là où ça se faisait dans le temps où il y avait beaucoup moins d'impact. Autre exemple rapidement, l'Alliance Verte, qui est une initiative de l'industrie maritime, le monde donc de la marine marchande, qui essentiellement s'est doté d'un programme de certification environnementale volontaire, assez ambitieux, dans le fond, où il y a un audit autonome qui permet vraiment de voir à ce que les pratiques de l'industrie maritime s'améliorent en temps réel. Ça, évidemment, c'est les adhérents à cette alliance-là qui sont quand même assez nombreux à l'échelle du Québec qui vont améliorer les choses. Par contre, évidemment, les gens qui viennent de l'extérieur, qui visitent le Saint-Laurent, certains armateurs étrangers vont pas forcément adhérer à ces pratiques-là et donc peuvent avoir encore des comportements un petit peu plus nuisibles. Mais je dirais qu'il y a une volonté. C'est pas encore là parfait, mais moi, je vois ça comme quelque chose de plutôt positif. Les choses se mettent en place quand même. Oui, ça. D'accord. Donc, on voit qu'au Québec, les choses se mettent en place, mais en amont du Québec, il y a l'Ontario, puis il y a les Grands Lacs, il y a les États des États-Unis riverains des Grands Lacs. Donc, il faut en quelque sorte une concertation au-delà du Québec. Donc là, je vais donner la parole à Scott Mackay. Est-ce que c'est ça la mission de l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, c'est de poursuivre cet effort de concertation à plus grande échelle sur tout le bassin versant du Saint-Laurent? Oui, absolument. L'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, c'est, alors on se parle 127 villes dans ce grand bassin, hein. On parle de 8 États américains qui touchent aux Grands Lacs, l'Ontario et le Québec qui touchent à la fois aux Grands Lacs et au fleuve Saint-Laurent. Ça a été créé, l'Alliance, il y a maintenant 14 ans, avec cette vision de voir les Grands Lacs et le fleuve comme un grand ensemble. Et c'est un grand ensemble qui est très important à plusieurs niveaux, qui est important au niveau économique, parce que à peu près la moitié des échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis se font dans la région Grand Lac-Saint-Laurent. Et on parle du Canada et des États-Unis, c'est le plus grand partenaire commercial au monde. Et la moitié des échanges, donc, sont dans notre région. Mm-hmm. En termes de population, on l'a dit, Jean-Éric l'a mentionné tout à l'heure, ce sont plusieurs dizaines de millions de personnes. Au niveau de la ressource en eau, c'est autour de 20% de toute l'eau douce de surface au monde. Alors, quand on voit ce grand ensemble-là, les villes se retrouvent un peu à la ligne de front, les maires, les élus municipaux, avec leurs citoyens, pour défendre cette ressource-là, faire en sorte que on puisse la préserver pour l'avenir et pour maintenir et améliorer notre qualité de vie et notre bien-être économique. Alors, c'est la mission de l'Alliance. Et heureusement, les villes sont pas toutes seules. Et il y a plusieurs structures de gouvernance qui ont été mises en place pour protéger les Grands Lacs et le fleuve. Je vous en mentionne une. C'est l'entente sur la gestion des eaux, des ressources durables en eau des Grands Lacs et du Saint-Laurent. J'ai été député à l'Assemblée nationale pendant quelques années. J'ai eu l'honneur, disons, d'adopter la loi sur l'eau où on mettait en œuvre cette entente-là. Et c'est une entente qui protège les ressources en eau, notamment en interdisant les dérivations, parce qu'il y a eu des grands débats hein, sur est-ce qu'on pourrait utiliser une partie, comme on a beaucoup, beaucoup d'eau potable dans les Grands Lacs et le Saint-Laurent. Peut-être que le sud des États-Unis aimerait bien en avoir. Alors, on a réussi, les 8 États et les 2 provinces canadiennes, à se concerter, à faire en sorte qu'on ait une entente qui interdit ça. Maintenant, cette entente-là n'est pas parfaite. Il faut la défendre bec et ongles, ce à quoi on s'active. Mais il y a quand même, il y a eu au cours des dernières années des efforts notables pour mettre en place des ententes et des institutions solides qui nous permettent d'être optimistes, même s'il faut absolument toujours être vigilant. Et Mélanie, tu avais un mot aussi sur la commission mixte internationale? Oui, en fait, c'est que on vient justement de parler que c'est important d'avoir une entente là, binationale. Et la commission mixte internationale, elle, est investie de deux responsabilités principales, des responsabilités assez importantes d'ailleurs. C'est de régir l'utilisation des eaux communes et enquêter sur les problèmes transfrontaliers en vue de recommander des solutions. Donc, les recommandations et les décisions de la commission prennent en compte les besoins qui correspondent aux différentes utilisations de l'eau, comme l'eau potable, la navigation commerciale, la production d'hydroélectricité, l'agriculture, les industries, la pêche, la navigation de plaisance et aussi les propriétés riveraines. Mm-hmm. Donc, c'est un élément... La commission mixte internationale a vraiment, je crois, un rôle assez important à jouer. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des liaisons avec l'Alliance des maires des grandes villes, des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent et la commission mixte internationale? Oui, à plusieurs égards, mais je vous dirais... Mélanie a mentionné tout à l'heure le plan 2014. Alors, la commission mixte internationale, au départ, au moment de sa création dans les années, début des années 50, c'était vraiment pour, le but était de, notamment de réguler les niveaux d'eau, donc les débits et les niveaux d'eau, pour les stabiliser, hein, et faire en sorte qu'on puisse, notamment construire des résidences sur les berges, maintenir des niveaux pour la navigation. Et elle a mentionné aussi que ça avait été très dévastateur pour les écosystèmes le long du Saint-Laurent. Et depuis, donc, on a eu une prise de conscience de ce fait-là. Et au cours des dernières années, la commission a revisé sa façon de voir le contrôle des débits et des niveaux pour s'adapter davantage, pas complètement, mais bien davantage au niveau naturel de fluctuation pour redonner au fleuve des milliers d'hectares de bandes riveraines et qui vont devoir être aménagés. Quelqu'un me disait, ben, espérons que ce ne sera pas complètement envahi par... par la phragmite, par des espèces envahissantes. Alors, il y a un défi là, mais et bonne nouvelle, le plan 2014, ça a pris plusieurs années avant qu'il soit adopté, il a finalement été adopté là, et ratifié dans le temps des fêtes. Alors, ça passait un petit peu inaperçu, mais c'est une excellente nouvelle. Pour le fleuve Saint-Laurent. Ben, on va poursuivre sur cette note d'espoir, justement, parce que, bon, Jean-Éric en parlait, il y a quand même des choses qui se font. Donc, oui, le fleuve est vulnérable, mais bon, il y a toutes ces actions qui se mettent, cette prise de conscience, ces actions qui se mettent en place. Jean-Éric, est-ce que vous pourriez nous parler s'il y a donc un mécanisme de suivi de l'état du Saint-Laurent, quels sont les... pour constater l'état d'aujourd'hui et l'état d'il y a 10 ou 20 ans, et quelles sont les améliorations, les nouvelles initiatives qui se mettent en place? Bien, en fait, il y a différentes initiatives en matière de connaissances, de partage de connaissances, d'acquisition de connaissances, mais notons notamment celui associé au plan d'action Saint-Laurent dont je parlais tantôt, l'entente bilatérale Québec-Canada. Au sein même de cette instance-là, on a ce qu'on appelle un groupe de travail sur le rétablissement le suivi du rétablissement du Saint-Laurent. Ce groupe de travail-là, sur le suivi de l'État, je devrais dire, produit à peu près tous les 4 ou 5 ans un rapport sur l'état global du Saint-Laurent, qui est public, qui est en ligne, donc on peut consulter assez facilement. Le dernier à jour est le bilan 2014, et entre deux bilans, l'équipe, les scientifiques associés à ces différents ministères-là, le plan d'action Saint-Laurent, c'est 18 ministères et agences fédérales et provinciales. Donc, il y a quand même beaucoup de monde qui travaille là-dessus et qui sont susceptibles de fournir de la donnée, de produire de l'information. Et entre deux périodes de production de plans, le comité n'est pas inactif. Il produit des fiches techniques, il fait quand même avancer les connaissances à ce niveau-là. Et il fournit, produit des suivis aussi sur certains enjeux écologiques. On n'a pas parlé beaucoup tantôt des espèces exotiques envahissantes. C'est vrai, ben, mais, le phragmite, par exemple. Effectivement. Mais le plan Saint-Laurent, notamment, et d'autres instances vont financer ou soutenir des démarches de suivi sur ces espèces-là. À l'Université Laval, vous avez le groupe de recherche de Claude Lavoie, là, le groupe Fragmite, justement, qui s'intéresse aux espèces. Vous avez le Conseil québécois sur les espèces exotiques envahissantes qui existe également. Les comités ZIP font des activités de suivi à peu près à chaque année sur des espèces comme la renouée japonaise, notamment. On aura bientôt une initiative qui va se lancer sur la carpe asiatique. C'est ce que j'avais en tête. Qui s'en vient chez nous, peut-être, qui a été introduit par le Mississippi et ensuite par les Grands Lacs et qui migre. Qui a passé les écluses. Oui, c'est ça. Et là, il y a eu quelques incidences là, où on a constaté que le Saint-Laurent était peut-être pas totalement à l'abri. Moins qu'on le pensait, notamment. Alors ça, ce sont effectivement des choses qu'on doit documenter. Il faut investir dans la connaissance. Depuis, je dirais, une dizaine d'années, il y a eu une petite perte à ce niveau-là, là, en termes d'acquisition de connaissances. Et là, actuellement, on sent que, sous l'impulsion peut-être d'un nouveau gouvernement, mais on sent qu'il y a un certain investissement, un retour à l'investissement qui se fait. Il y a des réseaux aussi qui se développent. Je parlais tantôt de Québec Océan du côté du réseau universitaire. Il y a une initiative assez récente aussi, le réseau maritime du Québec, qui est en train de se développer. C'est également un regroupement d'agences universitaires et de différents intervenants qui ont entre les mains de la donnée. Il y a l'Observatoire global du Saint-Laurent. En tout cas, toute une série de mesures qui sont susceptibles de fournir du financement. Et on a commencé à avoir certains succès sur le Saint-Laurent. Je fais partie du comité de rétablissement du bord rayé. Et même si l'espèce a encore un statut précaire, très précaire, on connaît un certain succès. Les suivis démontrent qu'il y a une réadaptation. Jean-Éric, je ne sais pas, vous avez encore certainement beaucoup de choses à dire, mais il nous reste 2 minutes. Oui. Puis vous vouliez lancer un message aussi. Donc, sur une comité jeunesse, je ne sais plus. Oui, exact. Oui. Donc, je vais, de façon très synthétique, la mobilisation et la réappropriation du fleuve est certainement un des enjeux majeurs pour l'avenir de ce grand écosystème-là. Et l'année dernière, dans le cadre du Aqua Hacking 2016, un grand événement à Montréal qui célébrait quelque part le Saint-Laurent, proposait des solutions pour le Saint-Laurent, il y a un groupe de 8 jeunes issus de 8 secteurs de l'eau, des jeunes professionnels qui ont décidé de mettre sur pied une déclaration jeunesse 2030. Ah, c'est ça. Ouais. Cette déclaration-là, c'est un énoncé de vision pour 2030, dans lequel, dans le fond, ils ont énoncé 10 grands enjeux, 10 grandes orientations, et tous et chacun est amené à y contribuer de deux façons. Soit en signant la déclaration en ligne, et je pourrais vous laisser les coordonnées, le lien, après l'émission, ou encore, carrément, à endosser la déclaration en disant « Moi, je vais agir à cet effet-là. Mm-hmm. » Et chaque année, lors de la semaine du Saint-Laurent, au mois de juin, Stratégie Saint-Laurent fera le bilan de l'avancement de la déclaration. De toutes les personnes ou organismes qui se sont engagés à poser en matière un d'adhésion. Geste. D'accord, exact. D'accord. Et en termes concrets, en gestes concrets qui seront en lien avec la déclaration. Oui, ben effectivement, on va prendre l'adresse, on va la mettre sur notre page Facebook après l'émission. Alors, on va souhaiter que tous les éléments s'imbriquent pour former un écosystème viable, intégrant les activités humaines et la préservation de tous les milieux naturels. Alors, je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission et d'avoir stimulé la réflexion. Ainsi se termine Futur Simple. C'était Valérie Levé et François Grégoire à l'animation et la mise en onde. Donc merci à notre chroniqueuse Mélanie Jean et à nos invités, donc Jean-Éric Turcotte, qui est directeur général de Stratégie Saint-Laurent, Scott McKay, coordonnateur à l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, et Patrice Laliberté, chargé de projet chez Conservation de la Nature Canada. Merci à tous les quatre. Et Futur Simple vous dit à la semaine prochaine. Si vous voulez réécouter l'émission, bien sûr, elle sera bientôt sur notre page Facebook. Dans quelques instants, vous écouterez Transmission Transversale en compagnie de François Samuel. Alors, restez donc sur CKRL au 89.1.